Si tu veux taguer, si tu veux y aller, si tu veux parler, si tu veux gueuler, si tu veux tout cramer, si tu veux tout plaquer, si tu veux tout niquer, si tu veux craquer. Forcément les gens vont te saouler, si t'attends que le vent tourne, il te ramènera de la merde, plus que tu n'en voulais, tu peux percer ton navire. On te regardera couler, tu peux replier tes ailes, la piste est courte, tu vas pas décoller. Tu veux réussir ta vie, tu veux faire des sous, à mon avis, fais pas comme ton père, rentrer tes saouls. Prends le taureau par les cornes, le destin par les couilles, dépasse les bornes et traverse en dehors des clous, l'ami. Faut mieux être seul que sali, on est tellement divisé que je parie sur un échec si on s'allie. Tu peux rire de tout, surtout de ce qui n'est pas drôle, c'est l'habitude, je prêche la mauvaise parole. Tu peux abîmer les choses à force de les lustrer, tu peux péter n'importe quel plomb à force d'être frustré, tu peux tout faire si tu veux te réaliser, si t'as de la chance, tu pourras même te réinitialiser. Inspiré autant par la noirceur de la nuit que par la clarté du jour, je suis content quand tu n'es pas du tout. La vie c'est dur, c'est comme un jeu, c'est triste mais t'as les cartes en main pour la rendre belle. Un peu, j'ai la nette impression, me foutre de la gueule du monde et j'ai la ferme intention d'être con et de le montrer. La mauvaise direction, c'est vers l'endroit le plus inondé de merde, c'est la plus grande route, mec, c'est tout droit. Tu peux crier si t'as mal, hurler ton ras-le-bol, y'a personne pour t'écouter, tu peux replonger dans l'alcool. Tu peux pas stopper les conneries et arrêter la clope. Tu peux dire non à la famille, mais pas à la drogue. Tu peux haïr la vie autant que t'as détesté l'école. Tu peux chialer dans ton lit, mais pas sur mon épaule. Les gens sont immondes, donc c'est pour ça que je déconne. Donne-moi tes bombes, je peux rien effacer, moi avec ma gomme. Si tu veux, fais-le, si tu veux, si tu veux, ok si tu veux, ça fait si tu veux, si tu veux, si tu veux, ok si tu veux, si tu veux tailler, si tu veux y aller, si tu veux parler, si tu veux gueuler, si tu veux tout cramer, si tu veux tout plaquer, si tu veux tout niquer, si tu veux craquer, si tu veux, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le. Si tu veux fais-le, si tu veux, si tu veux, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux fais-le, si tu veux, si tu veux.